Bonjour tout le monde, bienvenue dans La Pochette, l'émission qui vous fait découvrir un album tous les mois, ou peut-être redécouvrir, ou peut-être que vous connaissez déjà parfaitement ces albums. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui s'appelle Hoşgörü. Pour leur 25 ans, ils ont sorti un album qui s'appelle Ogutaboş Kantu Urte. On va écouter ça un petit peu après, mais je vais un petit peu vous donner le contexte d'abord. Donc Hoşgörü, c'est un groupe né en 1971, avec un premier album en 75, c'est un groupe de Bilbo, de folk, avec quand même beaucoup d'autres influences. Il y a parfois un peu de jazz, parfois un peu de rock, etc. Ils vont faire 29 albums en tout dans leur carrière, qui compte, je crois, que plus de 40 ans, 45 ans, je crois, en temps. On va citer peut-être les trois membres le plus important du groupe, à savoir Nacho De Felipe, le chanteur, qui est là dès la création du groupe, et puis quelques mois, années après, deux ans maximum, Anton Lacha et Bichette Martinez vont le rejoindre, et ça va être le trio central du groupe. Voilà, je vous le disais, en plus de 40 ans de carrière, évidemment, les membres ont beaucoup bougé, mais c'est ces trois-là, c'est un peu le trio central. Voilà, et puis on pourra en citer d'autres que je vais pas vous citer là pour éviter trop d'informations, mais voilà, le groupe principal, on va dire, ça va être celui des années 80 où ils étaient 6 ou 7, quelque chose comme ça, avec pas mal d'instruments, donc guitare électrique, des bouzouki, des violons, basses, etc. Donc voilà, je vous le disais, folk, il y a, que j'aime dans les instruments, on sent des influences assez différentes. 29 albums pour le groupe, en comptant les compilations et cet album-là qui est un album live. Le groupe a quelques chansons complètement originales, à savoir les paroles, la musique, etc. Mais c'est quand même un groupe qui se repose pas mal sur des choses préexistantes. Le premier album, par exemple, est une musicalisation de poèmes. Et ils vont aussi, après, un peu plus tard, se distinguer, se spécialiser dans la modernisation de chansons traditionnelles, assez souvent instrumentales d'ailleurs. On peut citer Aita Shemeyak, qui était une chanson reconstituée à partir de paroles préexistantes. Voilà, c'est leur version, c'est leur mélodie créée par Hoşgörü, qui va être la plus connue, après la plus populaire. Gola Lapourdi, Gola Ta Gola Beti, voilà, vous connaissez peut-être cette chanson-là aussi, qui en fait était une chanson qui a été composée sous le régime de Franco, qui a été écrite, en tout cas les paroles ont été écrites sous le régime de Franco, et sous le régime de Franco, il était interdit de mentionner le Pays Basque, donc Euskaleria, Euskaleri, tout ça. Et donc, l'auteur a décidé de remplacer le mot Euskaleri, Euskadi, par Lapourdi pour un peu contourner la censure. Donc non, ce n'est pas un truc complètement chauviniste des Labourdins. Pour revenir à cet album qu'on va écouter, Ogutaboş Kantu Urte, déjà on va l'écouter que la moitié parce que c'est un double album, 13 chansons sur le premier et 12 chansons sur le second, donc ça va être ça va pas retracer exactement évidemment les 25 années, mais ça va être une sélection de 25 chansons pour fêter ça, avec énormément d'invités. J'ai l'impression qu'il y a un invité par chanson. On peut citer Mikel Laboie, Fermin Muguruza ou Kepa Junkela qui a fait partie du groupe d'ailleurs pas d'un temps, mais je vous laisserai aller voir la liste. Il y a des Catalans, il y a des Bretons, il y a des chanteurs folk anglais ou irlandais, voilà, avec un accent, du coup ils chantent en basque de temps en temps avec un accent anglais, bon, que j'aime beaucoup, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et donc un album du coup enregistré en live avec beaucoup de sons du public, et je pense aussi peut-être ça qui me fait autant apprécier cet album. Il y a vraiment une espèce de vraie effervescence dans cet album là une vraie connexion avec le public. Ça fait un peu en vrai fin de carrière un peu du groupe, comme si c'était le dernier concert du groupe, mais non, le dernier album du groupe, ça, qui s'appelle Auschena Despedida, je crois que c'est ça le nom exact, c'est littéralement, ça veut dire voilà la fin, ou voilà notre sortie, qui va arriver donc pas loin de 20 ans après, il me semble, voilà, pour la fin du groupe en 2015. Un groupe donc qui aura beaucoup, beaucoup marqué le Pays Basque, avec des chansons extrêmement connues. Je vous ai cité deux, mais ils en ont fait beaucoup d'autres, et qui ont, je le disais, puisé dans beaucoup de choses différentes, voilà, soit dans la culture basque, mais aussi ailleurs, parfois en reprenant des mélodies de musique d'Europe de l'Est, etc. Et vous avez entendu qu'ils ont beaucoup collaboré avec, enfin en tout cas sur cet album, avec des chanteurs catalans, irlandais, etc. Et donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges, puisque ils ont quand même pas mal bougé. Hoşgörü, Ogutaboş Kantu Urte, on va écouter que la moitié nous, je vous laisse aller découvrir le reste par vous-même. Tout ça sur YouTube, les deux albums complets ont été mis, je crois, il y a 4 ans sur YouTube, et puis j'imagine sur les autres plateformes, j'avoue que j'ai pas vérifié, mais sur les autres plateformes, ça serait vraiment pas étonnant qu'il y ait ce double album. Voilà, je vous le conseille, il y a des choses très différentes, des invités différents à chaque fois, c'est vraiment, ça fait vraiment grosse fête, gros rassemblement. Et c'est un album qui est vraiment au poil de cul, ça me fait toujours halluciner. Parce que voilà, on s'imagine toujours un truc folk, un peu simpliste, une guitare, une voix, etc. Là, c'est vraiment un poil de cul avec des rythmiques parfois extrêmement exigeantes, des instruments qui se marient extrêmement bien entre eux, avec souvent deux voix dans les instruments, une par le violon, l'autre par la flûte, par exemple. Voilà, je vous conseille d'aller écouter vraiment c'est ce double album. Et moi, je vais vous laisser avec ça. Et voilà, c'est tout. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour La Boîte à Gants. Mais pour l'instant, on écoute Oshkori avec Ogoita Bosch Kanto Urte, le double album pour fêter les 25 ans du groupe. Allez, à la semaine prochaine. Salut! Thank you. Gaixunita, radikuko hau dukane herritara Hoi albokari izan zintzo putze gilokadarari Odol beroa zaigun mintzo lotu zio burrukari Gracias.